Message de vie donné à comprendre. Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins, tantôt à l'un et tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Depuis que l'homme vit délié du lien vital avec la terre, il semble qu'il ait perdu le fil qui le relie aux éléments mêmes de la nature. Tandis que nous sommes régis par des lois biologiques similaires à celles de tout être vivant, qu'il soit végétal, minéral ou animal, dont nous ne pouvons pas nous affranchir. Imaginons un seul instant que nous soyons les descendants des arbres et non des singes. De la même manière que le végétal, l'homme est une plante céleste identique à un arbre inversé dont les racines tendent vers le ciel et les branches s'abaissent vers la terre. Nous sommes comme les feuilles d'un arbre, uniques avec nos qualités mais connectés au tronc par les branches. Il en est de même pour nous, êtres humains, tous différents, mais unis dans la même famille. Ernst Zurker est ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Il va nous retisser des lianes dans le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage, et des liens avec l'intelligence des arbres pour reverdir notre propre nature. Quand allez-vous pour la prochaine fois rencontrer un arbre ? Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Lorsque nous observons les arbres, nous voyons que la partie visible au-dessus du sol. Mais la plupart de leur vie se passe en dessous du sol. Ils forment un immense réseau souterrain, comme un réseau Internet. Quel type d'informations les arbres s'échangent ? Oui, alors ça, c'est des types, d'abord des informations, mais aussi des substances chargées de... chargée d'informations. Chaque, même l'eau est chargée d'informations puisqu'elle charrie des éléments minéraux, des substances organiques. Alors, maintenant la question c'est quel type d'informations. Là c'est clair, lié aux substances. Disons, pour séquencer un peu la réponse, au niveau souterrain, vous avez tout d'abord des connexions racinaires. Les racines, lorsque vous avez deux voisins de la même espèce, sont souvent soudés l'une à l'autre. Il faut imaginer que ces arbres sont soumis au vent et ils sont enracinés, ils sont comme ancrés dans le sol. Donc souvent les racines, elles se frottent dû au vent. Et une fois qu'il y a un frottement, il y a une blessure. Et si ça s'arrête, si ça se calme, la blessure, elle peut se cicatriser, elle peut ressouder. Et à cet endroit-là, on a une anastomose, c'est-à-dire une... C'est vraiment du bouche à bouche, racine contre racine. Elles peuvent échanger des substances. Mais maintenant, ces racines, elles sont enveloppées de champignons. Et ces champignons ne sont pas seulement les mycorhizes, partenaires d'un seul arbre. Ils sont partenaires d'autres arbres de la même espèce, mais aussi d'autres arbres d'autres espèces. Donc là, vous avez une autre forme de connexion par les champignons, entre espèces. Et maintenant, si je vous prends la première connexion de racine à racine... je reviendrai à l'information plus tard, mais pour l'entraide entre les arbres, par exemple, c'est aussi une forme de collaboration. Vous avez un arbre qui est soudé au niveau des racines avec l'autre arbre. Et vous avez la situation qu'on abat un arbre, Donc il a perdu sa couronne et on observe que la souche continue de vivre. Pourquoi est-ce qu'elle continue de vivre? C'est parce qu'elle est alimentée par son voisin qui est encore debout avec lequel elle a ses connexions. Et maintenant, pourquoi ce voisin alimente-t-il encore cette souche? Et c'est extrêmement prosaïque mais très intéressant. Cet arbre a maintenant deux systèmes racinaires. Il se maintient un système racinaire voisin à ses propres frais, mais il reçoit toute cette eau pour lui tout seul, alors qu'avant l'eau elle allait dans la couronne du voisin qui a été abattu. Je trouve ça magnifique comme système de cohésion et de faire continuer de fonctionner un système de cohésion sociale. Ces connexions racinaires avaient l'air d'être dues au hasard, mais elles sont très utiles. Ces blessures deviennent des sources de vitalité et d'alimentation. Et maintenant, pour revenir aux informations, sous forme d'informations, sous forme liquide, on peut imaginer qu'il se passe pas mal de messages. Ça, c'est tout ce qui a été découvert par Suzanne Simard, c'est cette chercheuse en Colombie-Britannique qui parle dans ce film sur l'intelligence des arbres. On s'est rendu compte que ces substances, c'est aussi des hormones, c'est des vitamines, c'est des acides aminés, c'est des substances très précieuses qui représente aussi des messages, probablement. Un acide aminé, une hormone, ça représente des messages, des ordres. Et au niveau gazeux, par exemple, on quitte le sol maintenant au niveau des feuilles, ça c'est aussi connu, on en parle beaucoup, c'est ces messages envoyés par les arbres lorsqu'ils sont broutés par des antilopes, par exemple, et qui permettent à l'arbre voisin de changer la consistance ou plutôt la qualité de ses feuilles avec des tanins par exemple pour les rendre moins appétissantes. Et ça oblige l'herbivore, le mammifère herbivore à aller rapidement à un autre arbre parce que le premier qui a été attaqué, qui a été brouté, transforme rapidement sa qualité de feuille. Et émet un message, et tous les autres arbres, sous le vent, parce que le vent transmet ce message sous forme gazeuse, ce message est reçu par ses voisins sous le vent, et eux aussi sont obligés, ou bien réagissent en changeant leur qualité de feuille, le goût de leur feuille. Et ça oblige l'herbivore à aller toujours contre le vent, parce que sous le vent, il sait que ça ne sert à rien d'y aller, parce que les feuilles sont amères comme le premier arbre qui a été attaqué, ou bien brouté. Donc là, c'est un deuxième niveau. Ernst Zurker. Mais maintenant, il y a un troisième niveau qui est très intéressant, dont on parle trop peu, mais je pense qu'il va devenir très important. C'est le niveau électromagnétique. C'est un domaine dans lequel j'ai un peu travaillé. J'ai travaillé en chronobiologie des arbres. On a aussi mis des électrodes sur les arbres. Et on a mesuré ces différence de potentiel électrique, c'est très très subtil, et on a découvert des rythmes lunaires, par exemple, dans les modulations des potentiels bioélectriques dans les arbres. On mesure ça avec des électrodes. Mais maintenant, indépendamment de l'influence lunaire, il y a l'influence du vent, il y a l'influence de l'alimentation en eau, tout ça a un effet sur l'état bioélectrique de l'arbre. Tout ça est en pulsation, en réponse avec les signaux de l'environnement. Donc l'arbre est donc un être électrique qu'on peut mesurer, c'est comme notre cerveau. Les ondes cérébrales ont aussi leur profil, on peut identifier est-ce que vous êtes en fonctionnement gamma, en fonctionnement alpha, etc., delta. Les arbres ont aussi différentes fréquences de fonctionnement. Elles ont des fréquences de fonctionnement qui sont aussi du domaine de nos fréquences cérébrales lorsqu'on est en méditation, par exemple. Sans penser maintenant à l'interaction entre l'homme et l'arbre, pensons maintenant à l'arbre qui est en fréquence électromagnétique. Il est une antenne, mais il est un émetteur. Donc on peut imaginer que d'autres arbres communiquent aussi au niveau électromagnétique. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. L'homme qui écoute battre le cœur des arbres, Ernst Zurker. Le sol, par exemple, électriquement, est très riche en électrons. L'arbre, il est mis sous forme d'antenne par rapport à l'atmosphère. penser à la charge atmosphérique, la charge énergétique d'une atmosphère lorsqu'il y aura un orage. Vous avez des décharges énormes, c'est des énergies énormes, et les arbres sont entre deux et sont actifs à ce niveau-là. Probablement que leur énergie de croissance est aussi d'ordre électrique. Il y a du jardinage bioélectrique où on travaille avec des antennes. Et une observation est faite, si vous mettez un fil électrique à la pointe de l'arbre et vous le mettez au sol, cet arbre va mourir parce qu'on l'empêche d'avoir son potentiel d'énergie électrique. Donc vous avez brusquement des êtres incroyables. Ils sont, ils communiquent dans les racines, ils communiquent par des gaz, et je suis sûr qu'ils communiquent par électromagnétisme. Et c'est vrai que les arbres d'une même espèce s'entraident, donc on le disait, ils se soutiennent grâce à leur terminaison nerveuse. Mmh. Par contre, il y en a certains qui ne se connectent pas entre eux parce qu'ils n'appartiennent pas à la même famille. Alors ces connexions, elles sont sélectives. Dans la même espèce, c'est vrai que ça se connecte. On l'observe aussi des fois des branches qui se frottent, elles se ressoudent. Et brusquement, on a un arbre qui est contacté avec le voisin par une branche aussi, pas seulement par les racines. Mais entre différentes espèces, c'est déjà beaucoup plus difficile parce que là, il faut la compatibilité des tissus. Le cambium doit être le même. Donc les tissus, les méristèmes de croissance. Entre espèces différentes, on n'observe pas de soudure tissu contre tissu. Mais par champignons interposés, là, ça marche. Parce qu'il y a des champignons mycorhiziens qui sont donc partenaires d'un arbre. Mais ils ne sont pas seulement partenaires d'une seule espèce, ils sont partenaires de plusieurs espèces. Donc le champignon peut mettre en connexion des espèces différentes, mais par champignons interposés. C'est pour ça que dans certains pays, on trouve que des forêts de bouleaux ou des forêts de sapins, la forêt noire. On plante les mêmes espèces pour que justement les arbres puissent s'entendre entre eux. Oui, mais ça pourrait être un effet positif de faire des plantations uniques. La nature ne fait pas de plantations uniformes, ou alors très peu. Bon, il y a l'épicéa, il y a des peuplements assez riches, presque exclusifs, mais c'est jamais vraiment exclusif d'une seule espèce. Lorsque l'homme plante une espèce après avoir fait une coupe rase d'une forêt mixte, il fait quelque chose d'assez grave pour la forêt, parce que faut imaginer cette forêt mélangée, c'est des arbres en communication, des espèces différentes, certains ont des racines profondes, d'autres ont des racines en superficie, tout ça, ça s'entraide, ça, c'est en partenariat. Parce que les arbres qui vont chercher l'eau en profondeur l'amènent en surface lorsqu'il fait très chaud pour alimenter leurs propres racines qui sont en surface, près de la surface du sol. On appelle ça l'effet ascenseur hydraulique. Et ces arbres humectent le sol et permettent aux autres espèces qui ont seulement des racines en surface d'être alimentées grâce à cet effet pompe. C'est une pluie qui va contre en haut plutôt qu'une pluie qui va de haut en bas. Ça fonctionne dans une forêt naturelle. Si maintenant vous coupez une telle forêt, vous n'avez plus qu'une seule espèce, et l'espèce qui pousse le mieux chez nous, c'est les résineux, et là c'est l'épicéa. Racines en surface, des racines traçantes. Et au début, mais même pour les pins et les autres monocultures, vous avez les arbres qui ont donc le même âge, sont de la même espèce, sont plantés les uns à côté des autres assez serrés, et ils sont dès le début en concurrence avec les autres. Ils veulent la même eau, ils ont besoin des mêmes sels minéraux. Et très rapidement, on a un système qui est en exclusive situation de concurrence, contrairement à une forêt naturelle qui est en système de partenariat. Et cette forêt en concurrence donne un bois qui est de bien moins bonne qualité. J'ai travaillé sur l'analyse de ces bois. Ils sont moins bons que les bois de forêt naturelle parce qu'ils ont des carences obligatoirement. C'est pas possible que tous les arbres aient ce qu'il faut, puisqu'ils ont tous la même espèce, ils ont tous du même âge. C'est des arbres carencés. Et on peut même imaginer que c'est une ambiance forestière, on parlait d'information, qui doit être quelque part. Il y a quelque chose comme une forme de souffrance éventuellement. C'est des arbres qui ne sont pas épanouis, puisqu'ils sont en manque. Et les messages peut-être électromagnétiques, mais certainement les messages gazeux sont un reflet de cette souffrance, de ce manque, de cette carence. Et il ne faut pas s'étonner que Très rapidement, il y a des maladies, il y a des ravageurs qui viennent, parce que les ravageurs sont là pour faire disparaître, pour transformer en humus ce qui ne fonctionne pas bien. Un arbre malade, il n'est pas malade par lui-même, il est mal alimenté, et les prédateurs, c'est des effets secondaires d'un état de vitalité insuffisant. Donc ces forêts faites de main d'homme schématiques, c'est des forêts sous-vitales, et elles sont normalement, tout à fait logiquement, ramenées à l'état d'humus par la nature. Ce qu'on appelle la maladie, il faudrait les laisser agir, il ne faudrait pas les empêcher avec des pesticides, par exemple. Message de vie donné à comprendre. Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES, plus loin sage, avec notre invité Ernst Zurker, l'homme qui écoute battre le cœur des arbres. Y a-t-il une catégorie d'arbres plus fort que d'autres pour être en bonne santé? Un arbre en bonne santé, est-ce qu'il fait partie d'une catégorie d'arbres particulière, le mélèze par exemple? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des bois plus forts et d'autres plus faibles? J'avais un projet de recherche à l'époque sur comment déterminer le niveau de vitalité des arbres. Et là, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que la vitalité? Est-ce que c'est seulement le volume? Est-ce que c'est un arbre qui pousse très fort? Mais quand il pousse très fort, c'est qu'il a un sol trop bon, il a des racines dans un sol très, très, très riche. Et ça lui suffit, et il va faire énormément de couronnes, énormément de feuilles, beaucoup de bois. C'est apparemment un arbre vital. Mais on a réfléchi à ça. En fait, cet arbre, il n'est pas si avantagé que ça, parce que si vraiment, à un moment donné, il y a une difficulté, s'il y a une période de sécheresse, cet arbre a été gâté, il a été trop habitué à avoir tout ce qu'il lui faut et il en a fait quelque chose de très visible. Mais en période de difficulté, cet arbre sera beaucoup plus exposé qu'un arbre qui a eu des conditions difficiles de croissance, qui a dû se battre dès le début, aller chercher l'eau là où elle était difficile à trouver. Il n'a pas un accroissement très fort, mais il a une résistance, une résilience beaucoup plus grande. Et lorsque les périodes deviennent difficiles, lorsque les conditions de croissance se péjorent, le deuxième est beaucoup plus résistant. Donc, qu'est-ce que la vitalité? C'est pas ce qu'on pense au début. Donc pour toutes les espèces, on a des arbres qui sont bodybuilding et d'autres arbres qui poussent très très lentement. Et pour chaque espèce, on sait que ceux qui réussiront, c'est ceux qui sont les plus lents. Ce n'est pas ceux qui jouent du muscle. Donc d'où de planter des arbres et de faire les meilleurs arbres, mais qu'il faut prendre du temps, il faut tenir compte du temps. Et du temps et du mélange et laisser à la variété de se mettre en place. Il y a des arbres qui seront par hasard placés à des bons endroits, ils vont pousser très bien, ce n'est pas un problème. On les veut aussi, on va en faire quelque chose de bien. Mais il faut aussi laisser pousser les arbres lentement. Il ne faut pas trop les mépriser, ceux qui font les choses lentement. Message de vie donné à comprendre. J'ai remarqué que les arbres corroboraient avec l'espèce humaine. Pour nous, la respiration est vitale. Or, les arbres sont de gigantesques poumons. Prenons les branches et les bronchioles, feuilles et alvéoles pulmonaires, toutes en fonction de produire de l'oxygène. Quels sont les autres points communs entre les hommes et les arbres en général? C'est ça, on a donc cette interaction entre l'arbre et l'homme. L'oxygène produit par les arbres est respiré par les hommes, et on a nos poumons, c'est un arbre intérieur quelque part. C'est intéressant. Que produisent les arbres aussi, c'était un chapitre important dans mon livre qui vient de sortir sur les arbres entre visibles et invisibles. J'ai un chapitre entier sur la photosynthèse, la vraie photosynthèse, la photosynthèse intégrale. Parce que souvent, on diminue la photosynthèse et on escamote une partie importante. C'est que la photosynthèse permet de produire des sucres, de la biomasse, donc ce que je disais, transformation d'énergie lumineuse en énergie chimique, c'est donc cette matière organique. Ça produit de l'oxygène que nous on respire, en absorbant du dioxyde de carbone que nous on a expiré. Et la troisième chose est intéressante, c'est que cette photosynthèse totale produit aussi de la nouvelle eau. C'est du nouvel oxygène, mais aussi de l'eau nouvelle qui n'a encore jamais existé avant. Donc les arbres produisent de l'eau qui est ensuite dans la masse des feuilles, du bois, la matière organique, qui va repartir ensuite lors de la décomposition dans la constitution de l'eau du sol, alimenter les sources. Et les arbres sont aussi des sources d'eau nouvelle. Il y a de l'eau nouvellement assemblée dans les arbres qui est probablement d'une importance capitale. Pas seulement des arbres, dans les plantes, toutes les plantes qui font la photosynthèse font de la nouvelle eau. Mais les arbres en quantité plus intense par surface que les plantes annuelles. Donc c'est important de réfléchir à cette eau qui est absolument vierge. Elle n'a encore jamais circulé, elle n'a encore jamais été soumise à des pollutions ou à des cycles hydrologiques. Et voilà une nouvelle chose qui nous donne à réfléchir, une nouvelle connexion à l'homme. Est-ce que ce jus de plante qui contient beaucoup de cette eau nouvelle serait éventuellement important? Et est-ce qu'elle est différente d'une espèce à l'autre? Est-ce qu'elle a des propriétés médicinales? C'est des nouvelles questions. Pourquoi la science s'intéresse-t-elle au mode de fonctionnement et d'interaction du monde végétal? Oui, alors, c'est capital. On comprend maintenant à quel point ce fonctionnement de la nature, si je prends les forêts maintenant en tant que telles, on a vu comment fonctionne une forêt en partenariat aux profondeurs qui ramènent à la surface, qui permet d'alimenter toute une gamme d'espèces. On parle de sociologie végétale, on parle de sociologie forestière. Donc, c'est un mélange, c'est des phénomènes sociaux au niveau de la végétation. Et là, on a la régénération naturelle. Les essences, elles n'ont pas besoin d'être plantées, on n'a pas besoin de planter les forêts. Beaucoup de gens croient que les forêts, c'est parce qu'on a planté. Elles sont là toutes seules. Elles étaient là avant nous. C'est la régénération naturelle, c'est les graines qui se ressèment et qui poussent exactement le mieux là où ça va le mieux. Et toute cette sociologie forestière, cette structure sociale nous permet de voir que ça fonctionne très bien parce qu'il y a les jeunes germes, il y a les très jeunes arbres, ensuite il y a les arbres d'arbres moyens, l'arbre adulte et ensuite les arbres sénescents. Tous ces arbres poussent en se côtoyant de manière très bien. Très, très efficace et très vital. Et ça nous permet de comprendre que ces forêts sont mieux que des monocultures. Et actuellement, on a un peu un problème dans la société humaine, c'est de faire des monocultures sociales, c'est-à-dire on a les enfants qui sont tous du même âge au même endroit. Le monde du travail, c'est un peu la même chose. Et le monde des aînés, c'est aussi un monde qu'on garde en milieu, à l'état pur, disons, à l'état isolé, uniquement des aînés ensemble, alors que ça fonctionnerait beaucoup mieux si les aînés côtoyaient les tout-petits, etc., comme dans la forêt. Ernst Zurker. Pourquoi associe-t-on l'arbre à la sagesse? C'est parce qu'il est associé à l'arbre de la connaissance? Ah, ça c'est magnifique comme question. Et ce qui est intéressant, c'est que la réflexion là-dessus, l'arbre de la connaissance, c'est clair, c'est... on parle de la genèse, de la connaissance du bien et du mal, et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à mal fonctionner. À partir du moment où l'homme a eu la connaissance du bien et du mal, l'homme a dû gagner sa vie à la sueur de son front et la femme a dû enfanter dans la douleur. Pourquoi cette forme de connaissance du bien et du mal a-t-il amener la souffrance autant chez l'homme que chez la femme? Personnellement, je crois que c'est un problème de scinder la connaissance en deux formes, bien et mal. C'est le problème du dualisme. C'est le grand problème de notre monde actuel. C'est le matériel contre le spirituel. Et je pense que la vraie connaissance est une connaissance non duale. Et l'arbre nous apprend ça. C'est une connaissance qui est au moins sous forme de trois. C'est le bien et le mal, peut-être, admettons, mais entre deux, il y a quelque chose qui est indécis, qui n'est ni bon ni mauvais, une troisième qualité, quelque chose qui est négatif et positif, et quelque chose de neutre. Laissons encore à la neutralité sa place et à l'indécision sa place, et ça désamorce beaucoup de conflits. Ces conflits entre religions, il y a une religion bonne et une religion mauvaise. On a eu cette affirmation à partir du moment du 9-11. C'était dramatique. Il y a ceux qui sont pour nous et ceux qui sont contre nous. C'est de nouveau ce dualisme qui a entraîné ce qu'on sait maintenant. Et les arbres nous permettent de comprendre que c'est beaucoup plus subtil que ça. Les arbres, ils ont trois parties. Ils ont les racines, ils ont la couronne et ils ont le fût. Et cette forme en trois parties de l'arbre est déjà un symbole. Et toute la réflexion devrait être, d'accord, l'arbre de la connaissance, mais quelle forme de connaissance? Une connaissance multiple, certainement mieux qu'une connaissance duale. Nous aussi, on a les pieds sur terre, on a la tête dans les étoiles et on a la connexion, le tronc, oui, le corps. Ça. On est oui. Identiques. Oui. Dans la forme. Absolument. Et, dans le fond. Et on est en train de découvrir que la connaissance, la pensée, la conscience a une forme triple. On a toujours pensé que la pensée était quelque chose qui est lié au cerveau. Le système neuronal, le système cérébral avec énormément de neurones qui communiquent et la pensée avec ça. Mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'intestin, par exemple, est extrêmement riche en terminaisons nerveuses. Il a aussi son système neuronal. Et le cœur est extrêmement riche en terminaisons nerveuses. Donc on peut aussi imaginer que la pensée issue, plutôt intuitive peut-être, issue ou bien localisée au niveau abdominal, joue un rôle très important, et la pensée au niveau thoracique, au niveau de la respiration et du cœur rythmique, joue aussi un rôle important. On a beaucoup trop mis l'accent sur cette unique pensée cérébrale. Et vraiment, on est en train de redécouvrir d'autres formes d'intelligence, d'intuition qui sont localisées différemment. Le corps humain entier est un organe de perception. On n'a pas que les yeux pour voir et analyser ce qu'on a vu, on a les autres sens, et le sens du toucher est d'une importance énorme. Grâce au toucher, on touche des énergies. Vous touchez un arbre, c'est pas une figure de l'esprit en croyant qu'on va simplement caresser un arbre, c'est vraiment des énergies. J'ai parlé du sol et de l'intensité énergétique de l'arbre, de ses potentiels électriques. C'est ce qu'on a sous la main lorsqu'on touche un arbre ou lorsqu'on est de nouveau pieds nus sur le sol. C'est les énergies qui viennent, c'est les électrons. Tout ça, c'est le corps entier qui communique. L'homme qui écoute battre le cœur des arbres, Ernst Zurker. Quand je pose mon oreille sur le tronc d'un arbre, j'entends, je crois, son cœur battre. Où se trouve son cœur ? Je pense que l'arbre vous permet d'entendre votre propre cœur battre. Et ça, c'est très intéressant parce que l'arbre aussi a un battement. C'est donc mon domaine de recherche, la chronobiologie, ce battement de cœur de l'arbre. C'est des pulsations absolument fabuleuses dans le diamètre, au niveau électrique, même les bourgeons pulsent. Tout ça, c'est en pulsation. Donc, l'arbre pulse, le cœur de l'arbre, c'est chaque bourgeon, c'est la couronne de son ensemble, c'est le tronc. Et lorsqu'on s'approche de l'arbre, on s'approche de nous-mêmes. Et si vous étiez un arbre, lequel seriez-vous ? Un sapin, un épicéa, un bouleau, un mélèze, un cèdre du Liban ou du Japon, un pin d'Alep, un érable ? Et pourquoi ? D'après le calendrier celtique et ma date de naissance, je serais un bouleau. J'aime bien les bouleaux, ouais, c'est des essences de lumière, très flexibles. J'essaie d'être pas trop rigide dans la manière de comprendre la nature. Mais il y a un arbre qui m'a toujours accompagné. J'ai grandi sous cet arbre. Il a eu des problèmes de maladie, mais ça repousse. C'est l'orme. C'est devenu mon sujet de thèse. Comme par hasard, cet arbre m'a accompagné dès le début, puis c'est devenu le sujet de ma thèse. Donc un moment central dans une vie d'un chercheur. Et un arbre que j'ai toujours aimé, c'est le pin sylvestre. C'est l'arbre du sud, l'arbre qui promet les régions chaudes dans lesquelles j'aime beaucoup marcher. Ernst Zurker. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Qu'est-ce que le nombre d'or ? Qu'est-ce qu'un nombre d'or et quel est son rapport avec le monde végétal ? Le nombre d'or, c'est quelque chose de vraiment très particulier. C'est une clé absolument centrale pour toute la création parce que c'est lié à la spirale. Et on peut l'observer surtout chez les résineux, les conifères en particulier, mais sur toutes les plantes, mais souvent sous forme métamorphosée, un peu modifiée, mais c'est toujours sur cette base-là. C'est que vous avez deux spirales qui s'entrecroisent dans un cône, dans une pomme de pin. Une spirale, deux systèmes de spirales, et chaque écaille de la pomme de pin appartient à une spirale qui est orientée vers la gauche, une spirale qui est orientée vers la droite. Mais vous n'avez pas seulement une écaille dans un cône. Vous avez toute une centaine d'écailles peut-être. Et chaque écaille appartient aussi à une spirale orientée vers la droite ou vers la gauche. Et l'ensemble se permet d'être compté. On a, sur un cône d'épicéa, on a 8 spirales dans un sens contre la gauche et 5 spirales contre la droite. Chez un pin, ce sera 13 contre la gauche, ou bien contre la droite éventuellement, et 8 contre la gauche. Et là, on peut récolter tous les cônes qu'on veut, on va se rendre compte qu'on tombe sur des nombres toujours les mêmes. Ce sera 3, 5, 8, 13, le mélèze, ce sera 5 et 3, des petits cônes de séquoia aussi. Et chez le tournesol, donc maintenant je sors des arbres, le tournesol c'est 34 et 55. Entre deux, vous avez des plantes qui ont 21. Donc chaque nombre, c'est la somme des deux précédents. Donc 8, c'est 5 et 3. 13, c'est 8 et 5. 21, c'est 13 et 8. 34, c'est 21 et 13. 55, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette série permet de faire le rapport entre deux nombres successifs. 8 sur 5, c'est 1,6. 13 sur 8, 1,6, c'est un petit reste. Et de plus en plus, on s'approche d'un rapport autour de 1,6. C'est 1,61803, etc. Le célèbre rapport du nombre d'or. Et ça, c'est vraiment un rapport intéressant parce qu'on le porte aussi en nous. Le corps humain Et dans ce même rapport, comme on peut le comprendre d'un cône, de chaque plante, le corps humain est construit de la même manière. Vous prenez vos propres mesures, la mensuration jusqu'au coude, lorsque vous êtes debout, les deux coudes sont exactement au même niveau que le nombril. Donc, de la plante des pieds jusqu'au nombril, et du nombril jusqu'à la tête, au sommet de la tête, vous avez, comme le nombre d'or, est à 1. Ou bien si quelqu'un mesurait 1,618 m, ou bien 1,62 m, il aurait 1 mètre jusqu'au nombril, il aurait 62 cm jusqu'au sommet de la tête. Donc là, on a un point commun entre l'arbre et le corps humain, et beaucoup d'animaux, le nautilus, toutes les structures en spirale, sont aussi gérés par ce nombre d'or, les galaxies, les vortex de l'eau. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre de la mathématique, mais c'est un nombre irrationnel qui n'est pas rationnel, c'est une autre qualité de mathématiques qui vient de l'au-delà des mathématiques, de l'irrationnel, gère la structure autant des plantes que des animaux et des êtres de la faune animale. Et là, vous avez une très belle représentation que vous êtes le plus grand artiste de tous les temps, qui était vraiment en même temps scientifique et artiste. Léonard de Vinci a représenté l'homme de Vitruve de manière magistrale, en montrant ses proportions du nombre d'or dans cet homme de Vitruve. En observant vraiment les arbres, en observant la forêt, on se rend compte qu'on a beaucoup de clés. Ce nombre d'or, c'est une des clés essentielles de notre compréhension de toute la création, de tout l'univers. C'est pas la seule, il y en a des spirituels aussi, mais ça c'est une clé à la fois spirituelle et visuelle et visible, c'est mathématique dans la nature. Mais en revenant avant à cette observation des forêts naturelles, on a mis au point une foresterie naturelle, une foresterie proche de la nature, qu'on pratique en Suisse, qu'on pratique en Allemagne, que des forestiers français pratiquent aussi. C'est une foresterie proche de la nature qui est basée sur l'observation des lois de la nature. C'est comme de faire de l'élevage en pâturage naturel. C'est avoir peu d'animaux, mais des animaux en zone où les cultures ne sont pas très rentables. C'est des sols trop pauvres, mais c'est des sols encore extrêmement intéressants pour l'élevage animal. C'est des prairies sèches, des prairies maigres, avec accès à la végétation arborescente. Parce que par exemple, le bétail, la vache, c'est un animal forestier. Et il faut leur donner cet accès à cette nourriture forestière. Donc, voilà ce qu'on peut faire maintenant avec cette foresterie naturelle, associée à un élevage naturel, faire retourner les arbres et réalimenter ou restructurer les paysages avec des arbres et des haies, avoir de l'élevage naturel, en plus des cultures. On appelle ça la permaculture, l'agroforesterie. Vous avez les trois composantes, la composante forêt, composante culture et la composante animale. Et ces animaux vivent dans un équilibre et sont extrêmement sains et donnent une viande excellente parce qu'ils sont nourris correctement. Et la foresterie, on peut la pratiquer partout sous forme de foresterie naturelle, contrairement à la foresterie artificielle qui est issue de coupes rases où on a planté des arbres de manière schématique. C'est presque des arbres qui sont en esclavage. Et ce qui est intéressant comme parallèle, c'est que l'élevage, on en a aussi fait un élevage complètement dénaturé en esclavage, où on a enfermé les animaux, on n'ose même pas montrer comment les animaux sont tenus dans ces élevages industriels. Et mon plus grand souhait, et on est capable de le faire très rapidement, c'est de redonner à l'animal sa dignité, redonner à la forêt sa dignité. Et par là, on redonnera à l'homme sa dignité. Mais on sait faire, c'est tout simple. Tout est là. Oui. Ernst Zürcher, chercheur atypique forestier, était notre invité dans Le Voyage intérieur, la série d'émissions de Messages de vie, MES plus loin sage, produite par Richard Federman. Il vous propose son ouvrage « Les arbres entre visibles et invisibles » aux éditions Actes Sud, qui est un plaidoyer pour la préservation des forêts et une réhabilitation de l'arbre en tant que pièce maîtresse de l'écosystème. Et vous l'avez sûrement aperçu dans le documentaire réalisé par Julia Dodel et Guido Tolk, « L'intelligence des arbres, comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres ». Pour ma part, je vous retrouve la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Bye.